Pourquoi la santé psychique aujourd'hui? Il y a un grand paradoxe avec la place de la folie dans notre pensée et dans notre société. Et non pas seulement dans la pensée et dans la société en général, qui tantôt réserve une place centrale à la folie ou à la maladie qu'on dit mentale, tantôt au contraire l'exclut et l'oublie, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on croit justement qu'elle ne pose plus de problème ou parce qu'elle en pose trop. Et ça, ça vaut pour la société en général, mais la place de la santé mentale ou de la santé psychique et de la folie est toujours compliquée dans la santé elle-même, dans la médecine. Comment leur faire leur part? Comment situer cette étrange dimension de nos vies et de nos corps et de nos relations intercorporelles dans l'ensemble de nos expériences de la maladie ou de la santé, de la médecine et du soin? D'une certaine façon, l'expérience contemporaine de la pandémie a porté cette dimension à l'extrême. Nous avons là un virus qui n'affecte en apparence pas du tout les esprits, qui affecte avant tout le corps, jusqu'à la possibilité même de la mort. Mais nous en voyons aussi justement la dimension psychique, de la plus grave, évidemment, jusqu'à la détresse, la dépression extrême, jusqu'à la plus minime. Aucun d'entre nous n'a échappé à la dimension psychique du coronavirus, à la dimension d'angoisse, à la dimension de souffrance temporelle, par exemple, de l'incertitude elle-même, peut-être parfois minime, mais toujours en effet affectant nos capacités psychiques. Ainsi, la santé mentale, qu'il faut peut-être dire psychique pour en montrer tous les degrés, qui n'implique pas la perte totale de l'esprit, la maladie de l'esprit comme capacité de raisonner, ce qu'on appelle le mental, la mens en latin, la capacité à penser, le mind en anglais, eh bien, sans aller jusqu'à la maladie mentale, la dimension psychique qui affecte simplement le psychisme dans ses conditions vitales, dans les capacités à nous orienter dans le temps et dans l'espace, à nous rapporter les uns aux autres, cette dimension de la vie, de la santé est partout. Elle est une dimension de toute maladie, toute pathologie nous affecte en prime, comme par une double peine sur un plan psychique. Et cela vaut au niveau individuel comme au niveau collectif. Et il y a une dimension de ce que l'on doit appeler aujourd'hui la santé mentale public ou la santé psychique publique, dont enfin les pouvoirs publics commencent à s'inquiéter. La psychiatrie est en un état aussi grave, peut-être plus grave encore que le reste de la santé dans l'espace public. Mais la santé psychique publique peut revenir au premier plan comme elle le devrait par cette expérience douloureuse de la pandémie au niveau global, national et même mondial. Enfin prendra-t-on en compte la dimension psychique des souffrances humaines qui les redouble et qui peut conduire aussi à des déchaînements de folie parfois meurtrières dans l'espace social. Il faut donc prendre en compte tous les degrés de la souffrance psychique, des plus graves bien entendu, à soigner et traiter avec tous les moyens nécessaires, y compris psychiques, mais aussi les plus légers qu'il faut prendre en charge politiquement, mais aussi humainement, individuellement, relationnellement. Prenons soin psychiquement les uns des autres. N'est-ce pas là aussi une des définitions de la vie humaine ?